Pris sur le vif. Écoutez. Tu as su la nouvelle? Ne m'en parle pas, je suis encore bouleversée. Tu les avais bien connus, il me semble. Bien sûr, nous avions passé plusieurs fois nos vacances ensemble, et les enfants étaient allés souvent en excursion avec eux. Répétez. Tu as su la nouvelle? Ne m'en parle pas, je suis encore bouleversée. Tu les avais bien connus, il me semble. Bien sûr, nous avions passé plusieurs fois nos vacances ensemble. Et les enfants étaient allés souvent en excursion avec eux. Écoutez. Soyez gentils, ne réveillez pas votre petite sœur. Paul, je compte sur toi. Marie, fais-moi le plaisir d'obéir à ton frère. Oui, maman. Répétez. Soyez gentils, ne réveillez pas votre petite sœur. Paul, je compte sur toi. Marie, fais-moi le plaisir d'obéir à ton frère. Oui, maman. Écoutez. N'ayez pas peur, voyons un peu de courage. J'arrache des dents tous les jours. Si tout le monde faisait autant de manières... Ne m'en veuillez pas, c'est plus fort que moi. J'ai horreur des piqûres. Répétez. N'ayez pas peur, voyons un peu de courage. J'arrache des dents tous les jours. Si tout le monde faisait autant de manières... Ne m'en veuillez pas, c'est plus fort que moi. J'ai horreur des piqûres. Écoutez. Veuillez m'excuser, je suis obligé de m'absenter un instant. Je vous en prie, prenez votre temps, je ne suis pas pressé. Ne restez pas debout. Je reviens tout de suite. Répétez. Veuillez m'excuser. Je suis obligé de m'absenter un instant. Je vous en prie, prenez votre temps. Je ne suis pas pressé. Ne restez pas debout. Je reviens tout de suite.